Chapitre 16e. En tant que terroriste et résistante, Mademoiselle de la Barre fut directement conduite rue des Saussets, un des sièges de la Gestapo. Le lieutenant Schuller avait demandé à être prévenu de tout incident concernant l'immeuble du docteur Fogel, rue Tournefort. Dès qu'il apprit l'arrestation de Mademoiselle de la Barre, il demanda expressément que personne ne touchât la prisonnière. Il se réservait l'exclusivité de son interrogatoire. Dans les couloirs de la Gestapo, Schuller était connu sous le pseudonyme du Serpent. Personne exactement ne savait comment il s'y prenait pour interroger ses prisonniers, car il pratiquait à huis clos, et l'on entendait rarement les prisonniers crier ou gémir. Toujours est-il qu'il obtenait souvent des résultats là où d'autres avaient échoué, même en meurtrissant leurs clients. Quand il pénétra dans la pièce en sous-sol, Mademoiselle de la Barre était assise dans un coin, main attachée derrière le dos, la tête baissée comme si elle dormait. Une chaîne assez longue lui permettait d'aller et venir, sans toutefois pouvoir atteindre le mur d'en face, où trônait une baignoire pleine, un lavabo et un mauvais bureau. Une ampoule à barre éclairait faiblement l'ensemble. Il referma la porte sans bruit et s'approcha de la femme qui releva doucement la tête. « J'étais certaine que ce serait vous qui m'interrogeriez. Intuition féminine, peut-être » dit-elle. « Moi aussi, mademoiselle. Je fais souvent confiance à mon intuition. C'est mon côté féminin. » Il se plaça derrière elle et lui posa délicatement les mains sur les épaules, puis les descendit vers les coudes, en effleurant doucement la peau de la femme. Il fit ensuite la manœuvre inverse et garda cette fois ses mains sur le cou de Mademoiselle de la Barre. Il approcha sa bouche à toucher l'oreille de sa prisonnière qui sentait son souffle chaud sur la peau de sa joue. « Alors, susurra-t-il, qui d'autre a le plaisir de travailler avec Mademoiselle de la Barre ?» Il avait prononcé ce mot avec emphase et ironie. « Vous êtes trop intelligente, trop fine, pour penser que vous pourriez nous le cacher. » Penché sur le dos de la femme, il descendit ses mains jusqu'à ses cuisses et les parcourut jusqu'aux genoux en frôlant l'étoffe. Il sentit les épaules de Mademoiselle de la Barre se contracter légèrement. « Le couple d'à côté fait partie de votre réseau, j'en suis certain. » La demoiselle ne répondit pas. Schuller remonta alors ses mains vers les hanches, mais releva la robe et caressa légèrement la peau. Sous ses doigts, il sentait l'épiderme réagir. Les lèvres toujours près de l'oreille de Mademoiselle de la Barre, il murmura. « Vous avez l'air d'aimer ça. Vous savez, je le fais uniquement pour vous faire plaisir. Alors, qui d'autre, à part les beaux chants ?» Et ses mains redescendirent sur la peau nue vers les genoux, mais à l'intérieur des cuisses cette fois. Mademoiselle de la Barre serrait les jambes et finalement se détendit et écarta légèrement les jambes comme si elle était consentante. Mais Schuller ne fut pas dupe. Il savait que cette femme était beaucoup plus forte qu'elle n'en avait l'air, un adversaire à sa mesure, en quelque sorte. « Dites-moi seulement combien vous êtes dans ce réseau. Il y a aussi le docteur Fogel, le bon docteur Fogel. Ah non, surtout pas lui !» s'écria la femme. « C'est un collabo de la première heure avec son copain le Bosch. Ils sont comme cul et chemise. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui m'a dénoncé. Avec son copain le Bosch. » Je savais qu'ils s'entendaient bien, mais je ne croyais pas qu'ils étaient amis à ce point. Mademoiselle de la Barre pensait avoir détourné les soupçons planant sur Louis, alors qu'elle venait ainsi de les étendre aussi sur Léopold. « Hum, fit Schuller. Le major Müller, vous m'en direz tant. » Il se refusa à toucher les parties intimes de Mademoiselle de la Barre, plus par dégoût que par correction. Il se redressa et détacha les mains de la vieille fille. « Dégourdissez-vous un peu les jambes, lui dit-il. Vous devez avoir soif. Il doit y avoir un verre sur le bureau. » Mademoiselle de la Barre s'assit sur le rebord de la baignoire pleine, comme pour montrer à Schuller qu'elle avait confiance en lui et ne craignait rien. Il s'assit tout contre elle et posa une main sur son genou. « Ah, j'adore la musique, mademoiselle. J'ai fait de longues études de piano, vous savez. Quel dommage que nous ne nous soyons pas connus autrement. Vous auriez été mon professeur. N'avez-vous pas donné un concert à Stuttgart il y a quelques années ?» Mademoiselle de la Barre pencha la tête et ferma les yeux, comme si elle remontait le temps. « Oui, c'était en 32. Vous deviez être très jeune. »« Oui, mais je m'en souviens. » « Dites-moi, quand nous avons effectué le premier contrôle rue Tournefort, vous nous avez joué la comédie de l'idiot effarouché, non ?»« Je dois avouer que oui. » »« C'était pour nous empêcher de fouiller votre appartement, n'est-ce pas ?»« C'est là que je vous ai reconnu. »« Je n'ai pas osé vous tourmenter car je vous croyais mentalement bien diminué. Depuis, j'ai compris qu'il n'en était rien. Ah, lieutenant, que voulez-vous ? Nous vivons une époque troublée où chacun joue sa partition. Mais je vais vous faire un compliment. Vous êtes le seul militaire que je connaisse qui ne sente pas le tabac froid et le moisi. Votre uniforme sent le propre et le parfum. Bravo. Approche-toi, on fera. Schuller se détendit sous l'effet du compliment. Il en profita pour revenir à la charge. Quel était votre rôle exact dans le réseau ? Oh, je ne peux vous le dire maintenant, je recevais des messages. Comment ? Par radio ? Demanda Schuller en lui serrant le genou. Non. Des gens se faisant passer pour des élèves m'apportaient des partitions qui contenaient soit des informations, soit des ordres. Dans ces partitions, chaque note, de par sa position, sa durée, correspondait à un code. Je déchiffrais ces partitions et délivrais les informations ou les ordres. En utilisant le même code, je faisais passer les informations dans l'autre sens. Je ne connaissais pas ces gens et ce n'étaient jamais les mêmes. Mais comment faisiez-vous pour les reconnaître ? Ils chantaient ou jouaient Do Mi Sol. C'était mon surnom, colonel Do Mi Sol. Dites-vous bien que cette information ne vous servira à rien. Le seul fait que je sois arrêté annule l'utilisation du code et du signe de reconnaissance. Je serai remplacé par quelqu'un d'autre, car nul n'est indispensable. Mais tout changera, y compris les hommes qui sont derrière tout ça, afin que vous ne puissiez remonter la filière. Schuller hocha la tête, méditatif. Soudain, il bascula en arrière sous l'effet d'une violente poussée. Sa nuque heurta l'autre bord de la baignoire. Le haut de son corps fut complètement immergé. Il ne pouvait déplier ses bras pour pousser avec ses mains sur le fond et essaya vainement de saisir le bord de la baignoire pour dégager son corps. Mademoiselle Delabarre lui maintenait les bottes à bras-le-corps, bloquant ainsi son bassin et l'empêchant de se retourner. Bientôt, la femme sentit les jambes de Schuller se détendre, puis devenir molles. Elle relâcha la pression. Le corps ne bougeait plus. Elle se déplaça près du bureau et se servit un verre d'eau pour apaiser son émoi. Elle venait juste d'avaler une première gorgée quand un grand bruit d'eau se fit entendre, suivi d'un rugissement. Schuller venait de se redresser dégoulinant, la bouche grande ouverte, pour aspirer l'air avidement. Il resta assis sur le bord de la baignoire pour reprendre son souffle et ses esprits. Mademoiselle Delabarre le regardait avec curiosité, sans angoisse apparente. Contre toute attente, elle se rapprocha du lieutenant. « Bravo, lui dit-elle, vous m'avez eu. Tout compte fait, je préfère cela. J'avais agi sur un coup de tête et votre mort ne m'aurait avancé à rien. Alors pourquoi l'avoir fait, espèce de folle ? Pour le plaisir, cher lieutenant, pour le plaisir. Mais je regrette sincèrement. » Schuller appela un planton et demanda à ce qu'on lui apportât une couverture. Quelques secondes plus tard, le bruit courait déjà dans les couloirs que l'Obersturmführer Schuller était tombé sur un os qui lui avait fait boire la tasse. Ça lui faisait du bien à ce jeune prétentieux. Schuller revint s'asseoir auprès de Mademoiselle Delabarre. Je pense que vous savez ce qui vous attend. De toute façon, si j'étais mort, l'issue pour vous aurait été la même. Un silence s'établit entre eux, pendant lequel chacun pesait la situation. Mademoiselle Delabarre se dit qu'elle avait bien fait de se dénoncer. Elle avait ainsi épargné des vies et laissait au beau champ le temps de prendre le large. De toute manière, en mettant la valise dans son entrée, il lui avait tracé sa voie. Arrêté, ils auraient certainement parlé, et les pertes auraient été bien plus grandes. Et puis, elle en avait marre de toute cette pantomime, à 100 lieues de sa vraie vie, de la place qu'elle croyait avoir sur terre. Alors autant débarrasser le plancher et aller faire de la musique avec les anges. Schuller avait enlevé sa vareuse trempée. D'une des poches, il sortit un petit tube duquel il fit tomber une pilule. J'ai compris que vous ne parleriez pas. J'aurais pu y répandre votre sang et je ne veux pas vous voir souffrir, en souvenir des valses de Chopin. Il poussa le petit cachet devant elle sur le bureau. Vous vous sentez assez forte pour le faire ? Je crois que oui. Certainement, dit-elle en prenant le comprimé. Finalement, vous ne manquez pas d'une certaine noblesse, lieutenant. Pensez à moi en écoutant Chopin. Je vous tire ma révérence. Sur ce, elle avala le poison. Elle sentit son corps imploser littéralement, puis se réduire à la taille d'un petit point dans l'univers. Louis, par l'intermédiaire de Pinault, via la taupe de la Gestapo, apprit la mort de Mademoiselle Delabarre. Déjà, les occupants de l'immeuble avaient pris les dispositions qui s'imposaient. Le couple Beauchamp s'évapora dans la nature, et Louis se rendit rue Lauriston pour signaler leur disparition à la police. Ils étaient partis au travail comme d'habitude, mais n'avaient pas reparu. Les parents s'inquiétaient. Il donna leur signalement complet, avec force détail, et demanda ce qu'il fallait qu'ils fassent en tant que propriétaires, les parents ne pouvant payer seuls le loyer d'un tel appartement. Il fit tout pour que les Boches croient que son seul intérêt était le fric et rien d'autre. Provisoirement, les Beauchamp n'allèrent pas bien loin, puisqu'ils trouvaient refuge chez Madame Kubler. Louis comprit ainsi que la vieille dame n'était pas qu'une râleuse, mais qu'elle était une résistante active. Qui sait si ce n'était pas elle qui l'avait signalée au réseau Némésis? En bref, chaque fois qu'un problème était éludé, il en surgissait un autre en remplacement. La disparition des Beauchamp leur sauvait la vie, mais mettait en péril celle des Meyer, dont la situation devenait préoccupante. Ils risquaient d'être cuisinés par la Gestapo, compte tenu de la disparition et l'appartenance possible de leurs enfants à un réseau de résistants. Sur ce sujet, ils ne pouvaient pas dire grand-chose, mais leur judaïté ne resterait pas longtemps cachée, les gestapistes étant bien trop roublards en cette matière. La première réaction de Dieter Schüller fut de se précipiter rue Tournefort et d'investir l'immeuble de Vogel en le mettant sens dessus-dessous. Mais après avoir réfléchi, il arriva à la conclusion qu'il ferait chou blanc, à moins d'arrêter tout le monde sans exception, et encore. La dernière risée dont il faisait l'objet après l'échec de Mademoiselle Delabarre le poussait à la plus grande prudence. Il décida donc de placer l'immeuble sous la surveillance la plus étroite et de faire filer tous les occupants du logis, y compris le major Müller. Louis, Léo et Pino s'attendaient bien entendu à cette stratégie et chaque occupant de la maison fut briefé en conséquence. De fait, chacun des deux camps était capable de prévoir les réactions de l'autre, si bien que le jeu devenait extrêmement excitant, mais d'autant plus dangereux. Or, les Allemands n'échappaient pas aux défauts qui gangrènent tous les hommes, quels qu'ils soient, quand ils travaillent dans une hiérarchie. Essayer de toujours surpasser le collègue pour lui monter sur la tête. Un capitaine de la Gestapo, dont la spécialité était de traquer les francs-maçons, passa outre à l'exclusivité de Schüller sur l'immeuble de la rue Tournefort et décida d'aller arrêter Kernen, le locataire de Louis. La taupe n'eut pas le temps de prévenir qui que ce fût et une équipe de la Gestapo débarqua donc le lendemain des événements dont on vient de parler. Le capitaine se renseigna directement auprès de Marcel et lui demanda de le conduire devant la porte de Kernen. Voyant la lenteur avec laquelle le concierge se déplaçait, le capitaine lui demanda l'étage, la porte et grimpa les marches avec son équipe. Marcel prévint immédiatement Louis qui s'élança dans l'escalier. « Il ne nous manquait plus que ça !» rugit Louis. Le capitaine tambourina à la porte en la secouant. « Kernen, ouvrez !» « C'est la Gestapo, je sais que vous êtes là !»« Attendez, Herr Hauptsturmführer, hein. Ne cassez pas la porte, j'ai la clé. Je crois qu'il est absent. » Le capitaine s'effaça pour laisser Louis ouvrir la porte. Aussitôt, une odeur fade et écœurante les prit à la gorge et gagna tout le couloir. Un des soldats réprima une envie de vomir. Personne n'entra dans l'appartement, ce n'était pas nécessaire. Le corps de Kernen était pendu par le cou à l'espagnolette, juste en face de la porte. La couleur du pauvre Kernen ne permettait aucun doute sur son état, et l'odeur qu'il répandait indiquait suffisamment l'antériorité de sa mort. Finalement, le militaire et le médecin se firent violence et s'approchèrent du cadavre. Louis l'attrapa par les pieds, et le capitaine dénoua la cravate avec laquelle il était pendu. Les pieds du mort touchaient le sol, et ses genoux étaient pliés. On l'étendit sur le sol. Il lui a fallu un sacré courage pour s'étrangler de cette façon, remarqua Louis. Ris vielleicht ermordet worden. Il a peut-être été assassiné, émit le capitaine. Non, il aurait fallu que l'assassin se pende après lui. Et comment serait-il ressorti? Il faudra admettre qu'il avait la clé puisque la porte était fermée. Mais regardez. Sur la table était posée une lettre que Louis lut et traduisit pour le capitaine. À tous ceux qui m'ont connu, à tous mes frères, tôt ou tard, je serai pris. Et je sais que je ne serai pas capable de résister à la torture. En revanche, je pense avoir le courage de mettre fin à mes jours. Si vous lisez cette lettre, c'est que j'aurai réussi. Je ne me sacrifie pas vraiment pour préserver la vie de mes frères. Voilà longtemps que je ne trouve plus de goût à rien. Et j'en arrive même à douter de notre idéal et du grand architecte de l'univers. Je vais subir l'ultime initiation et peut-être trouverai-je enfin la lumière. Ne gémissez pas, mes frères. mais espérez en confiance et en sérénité. Je vous embrasse tous. Jean Carnan. Arzo, dit le capitaine en hochant la tête. Par acquis de conscience, il jeta un coup d'œil dans les affaires de Carnan. Le logement n'était pas très grand et ce fut vite fait. Il trouva des diplômes et des décors maçonniques, quelques livres traitant d'ésotérisme, mais aucun document qui aurait pu révéler des noms. Les Allemands repartirent donc en laissant Louis se dépatouiller avec le corps. Un voisin attiré par le bruit apparut dans l'entrebâillement de la porte. « Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Depuis 2 ou 3 jours, je sentais une drôle d'odeur. « Vous pouvez me donner un coup de main ?» demanda Louis. Il ouvrit la fenêtre pour aérer et transporta le corps sous le lit, aidé du voisin. Louis réfléchit alors qu'il aurait dû attendre le constat de police pour détacher le corps. « Cet abruti de capitaine est parti sans me remettre un quelconque document et je ne connais même pas son nom. « Ne vous inquiétez pas, patron. Moi, j'ai retenu son nom, » dit Marcel. « C'est le capitaine Schwartz. Ça lui va bien, à celui-là. C'est la couleur de son uniforme. Bon, ce n'est pas tout. Il va falloir prévenir la police. Je vais leur téléphoner. » Sur le palier du premier, Louis croisa un inspecteur en imper et chapeau flanqué de 2 gardiens de la paix. « On nous a prévenu que vous aviez un pendu dans la maison. Enfin, quelqu'un qui s'est peut-être suicidé. » Louis les conduisit au second. L'inspecteur jeta un regard circulaire sur la pièce. « Vous l'avez décroché. Mauvais, ça, mauvais, » maugréa-t-il. « C'est le capitaine Schwartz qui l'a fait. Moi, je l'ai simplement aidé. »« Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'est suicidé ?» Louis tendit la lettre à l'inspecteur. Celui-ci la lut silencieusement et la tendit à un des agents. « D'accord. Vous avez une preuve que c'est bien lui qui a écrit cette lettre ?» Louis commençait à s'agacer, surtout de constater encore une fois que la police française était plus tatillonnée retorse que les Allemands. Essayez de trouver un échantillon de son écriture dans les papiers qui sont là, conseilla Louis. Les 3 policiers farfouillèrent et finalement, un des gardiens montra quelques feuillets. C'étaient des notes sur la signification de la mort de Hiram, d'après le titre. C'est bien la même écriture, dit Louis. En revanche, la mort de Hiram, ça ne me dit rien. On s'en fout, coupa l'inspecteur. Vous saviez qu'il était franc-maçon? Il s'était dévoilé, il y a 2 ou 3 jours. J'avais refusé de le cacher. Louis eut une montée d'adrénaline en avançant ce mensonge contraire à sa conscience. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé immédiatement ?»« Ben, j'allais le faire. Mais je ne pensais pas qu'il nous fausserait compagnie de cette manière. De toute façon, ça fait toujours un de moins. » Que le flic fût satisfait de la mort d'un homme qu'il ne connaissait même pas scandalisa Louis. « Vous êtes juif ?» demanda-t-il à l'inspecteur. Celui-ci prit la question comme une gifle. Il rougit de colère. « Vous aussi, vous voulez vous suicider? J'ai l'air d'un juif, moi ?»« Pas vraiment. Mais comme vous gardez votre chapeau sur la tête dans une maison et en présence d'un mort, j'avais pensé que peut-être... »« Ouais. Eh ben, ne pensez pas trop. C'est nuisible pour votre santé. Au fait, qui me dit que vous n'êtes pas franc-maçon vous-même? Après tout, qui se ressemble s'assemble. Réfléchissez, inspecteur. Si j'avais été un de ses frères, croyez-vous que je leur ai laissé se tuer? Bon. » Nous tirons cela au clair plus tard. Dites, inspecteur, vous n'allez pas me laisser le cadavre sur les bras. Je ne sais pas grand-chose de cet homme. Je ne sais pas s'il a de la famille et je ne vois pas pourquoi je prendrais ses obsèques à ma charge. Déjà qu'il me devait des loyers. Non, on va l'emmener à la morgue. Sur ce, un 3e gardien arriva avec une civière et la dépouille de Carnan fut chargée dessus et partit dans le fourgon de police.